Hôtel après hôtel se dresse la scène. Balaam parle mais ne contrôle rien. Tu mets tes mots dans sa bouche et ta bénédiction écrase le venin. Là où l'homme voulait la malédiction, tu replies par une promesse renouvelée. Ce que tu as béni une fois, nul ne peut le faire tomber. Tu n'es pas un Dieu qui change d'avis. Tu tiens tes paroles jusqu'au bout. Ce que tu bénis demeure béni. Aucune voix ne peut l'annuler. Quand tu prononces la vie, même la haine doit reculer. Ce que tu bénis demeure béni. Tes promesses ne reculent pas. Et même les ennemis déclarent que ton peuple est à toi. Tu rappelles que tu n'es pas un homme, que ton oui ne tremble pas. Tu vois plus loin que les batailles, tu sais déjà où tout va. Et Israël campe dans ta vision, sous tes paroles déclarées. Protégé par ce que tu annonces, avant même qu'il ait combattu. Ce que tu bénis demeure béni, aucune voix ne peut l'annuler. Quand tu prononces la vie, même la haine doit reculer. Ce que tu bénis demeure béni, tes promesses ne reculent pas. Et même les ennemis déclarent que ton peuple est à toi. Et le temps. La bénédiction nous précède.